9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, c'est Francky Bandé à la Familia. Bonjour, belle journée, bon réveil. Sous la pluie, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nuages vont dominer la région d'Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Bray, mais le soleil ne sera pas là aujourd'hui. Donc prévoyez le kawé ce matin à l'ancienne. Le soleil devrait faire son apparition demain, demain et après pour toute la semaine. Si je me trompe pas par rapport à Météo France, en tout cas, on vous souhaite un bon petit déj. Courage à vous si vous voulez vous réveiller sous la douche, la radio couleur, avec les Cranberries qui arrivent sur la radio et on adore avec Zombie. Bon petit déj à tous. C'est Francky jusqu'à 9h dans la radio. meilleur des souvenirs sur la radio couleur avec The Cranberries. Ouais, elle est partie il y a 5 ans déjà. Salut Pistin qui est là, bonjour Francky. Salut José, Bandia la planète, Bandia la famille, Soufiane aussi qui est là, Soufiane Pincon. Je salue mon ami. Heureux de vous retrouver, on est là jusqu'à 9h du mat. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Ça fait du bien. 7h09 avec le collectif Damien Reggaeton. Heureux d'être avec vous. Salut Julien qui est connecté. Salut Cristiano aussi. Salut José. Debout de bonheur, mon José. Bah ouais, c'est ça, hein, les bosseurs un petit peu. Bah ouais, il y en a quand même en France qui bossent encore. Hein. Belle journée aujourd'hui, le 5 octobre. De la pluie, malheureusement, des nuages. Mais on est là pour vous donner le rayon de le soul. Avec toute la bande, là. Aymen Chaoui. Kenza Farah et Pitbull sur la radio couleur. I love you.

Marseille, c'est le bled. Le hack se fait soulever par le raid. Ici, tu te balances au wanted. Pum pum au feu rouge. Que les sales ne me parle pas et fais ta folle. Elle voit déjà le voyage de noces. On est là, mais la fête est fausse. La tête dans les billets, on fait. Que des sales. Y'a les chevilles dans les fous. Pas les couilles des jaloux. Si y'a les schmitts rend les fous. Faut faire des sous. On s'emballe et qu'on prend tout. On tient le coup. Si y'a les schmitts rend les fous. Faut faire les sous. On s'emballe et qu'on prend tout. On tient le coup. Si y'a les schmitts rend les fous. Faut faire des sous. On s'emballe et qu'on prend tout. On tient le coup. Si y'a les schmitts rend les fous. Y'a les schmitts. Des sous, bah ouais, le matin, on peut pas des sous. Important l'argent pour vivre. Naps avec les 4 fantastiques, Soprano et toute la famille Del Genereo, la bande de Marseille, justement. Un petit clin d'œil à Marseille, à Nanar qui nous a quitté, 78 ans, Bernard Tapie. Ouais, l'ancien président de l'OM, hein. Ah ouais, un sacré personnage. Je redate avec vous. Salut à Fabien qui est là ce matin. Bonjour à Léa aussi qui me demande s'il fait beau dehors. Ouais, Olivier, hi. Bah oui, ils sont, on est au resto, les gars, la famille. Ouais, il fait pas terrible, mais il fait pas froid, fait pas froid. Voilà, belle journée sur la radio couleur. Radio Couleur, dès le matin, 7h19, salut, du côté de Saint-Y, on est déjà réveillé, bah ouais, ça fait plaisir. Et puis la French Connection qui est à l'honneur ce matin, les DJ français sont là, Ogle, qui reprennent bien, voulez-vous, un souvenir. Il y a déjà 4 ans, c'est remix, remixé par le DJ français qui cartonne, voulez-vous, ABBA 2021, et on adore, belle journée. Coucou à Stéphanie aussi qui est du côté d'Orléans, salut Francky, merci pour cette patate le matin. Sans patate. Heureux d'être là, c'est la radio jusqu'à 9h. La radio couleur ABBA repris corrigé par le DJ français Eugol avec voulez-vous de la musique ce matin, ben, plein de musique et puis des invités aussi, un invité d'honneur tout à l'heure 8h15, Denis Duclos sera dans les studios de la radio, il fait les collègues de Stylo, de Feu, de Stabilo et pas qu'on a pourquoi, justement pour le deuil périnital, on en parlera avec lui tout à l'heure en direct sur la radio couleur. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Et ouais, en direct, hein, Radio Arc-en-Ciel avec mon poteau qui me manque, bah c'est Greg, Grégoire. C'est quand tu viens, c'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand? C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça s'unit, ça te regarde. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène, qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand on les oublie, nos deux corps enlacés sur les pétales de rose, c'est quand je peux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire. Tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds. C'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. C'est quand tu m'aimes, tout de suite. Grégoire, c'est quand. On adore ce mec à la radio, qui a moins de bons souvenirs avec lui. Lui son Caliente qui arrive, Soli Olivier qui est collecté du côté de Saint-Py. Antoine qui est là aussi, Fabien, salut la famille. Francky, merci pour du son le matin, ça nous réveille. Et ça nous met de bonne humeur, ça change des autres radios. Bah ouais, et puis Farouko, vous connaissez Farouko. Eh, c'est le carton du mec en ce moment, Latina, qu'il vous faut écouter dans la douche, dans la baignoire, au resto. Il le faut celui-là, voici Farouko. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que tú eres romo feo. Feo. Feo. Shot de tequila, el pared vacila, dilata de la copela, las manos arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos por encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas, me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pele. Chingate la vela, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale. El que está borracho con las manos para arriba. Sacando, vivete la vida y disfruta. Pásame la boca que anda buen jangueo y corruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Solito está cuando me muero. Sido él el hombre en mí, a mí nadie me atreve. Tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Sido él el hombre en mí, a mí nadie me atreve. El que no le da un peso a nadie. Que anda buen jangueo, el cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Farouko, c'est vrai que ces titres donnent envie de faire la fête, hein. El Incomprimento, on adore sur la radio couleur, on est avec vous, c'est Francky dans la radio, jusqu'à 9h, et puis l'insomnio qui arrive tout en douceur pour vous réveiller, vous emmener à la porte du boulot. Belle journée, aujourd'hui on est le 5 octobre, la météo qui arrive. Is going down. Todo lo que quiero eres tú. They never get to heaven cause they don't know how. Quédate y te amo por todo lo que que lo necesito, no lo hago de verdad. Déjate llevar. Salsa de Lost on You. La météo. La météo pour aujourd'hui, Orléans. Le ciel est couvert ce matin, malheureusement, et de la pluie est annoncée aujourd'hui. Les températures au lever du jour, 8 degrés. On ne dépassera pas les 16. Normalement, cette semaine, ça devrait pas être trop pas mal. Je vous l'annonce, un vendredi, samedi, soleil. Avec des températures plutôt pas mal, jusqu'à 19 degrés. Demain, nuages et soleil. Jeudi, nuages, soleil. Et normalement, la pluie ne devrait pas faire son apparition avant la semaine prochaine. Voilà, que des bons souvenirs. Et puis, le meilleur du son, le meilleur des remix avec Aretha Franklin et Feng sur la radio couleur. Thank you. tranquillement. Tan, tan, tan, tan, tan, ping. Arrête à Franklin, le meilleur des souvenirs sur la radio couleur. Bonne journée, bon réveil. Ouais, j'adore imiter le chinois le matin. Ça vous réveille. Salut à Sonia qui est là. Bonjour Francky, bonjour Sonia. Bonjour Didier. Voici qui est connecté, Olivier, du côté de Saint-Y. Gérald qui est connecté. Oh, bonjour mon GG. Le meilleur des souvenirs avant l'horoscope. Ah, l'horoscope, vous l'attendez avec impatience. One One Time, 1989. Les dance floors étaient de folie à l'époque avec ce tube planétaire. D'ailleurs, les Françaises, ah ouais, on est heureux de l'accueillir ce matin. Voici Black Box, One One Time. Et puis notre invité tout à l'heure, Denis Duclos, qui sera là. Il collecte des stylos, les feux, les stabilos. Et ça va pas faire rire parce que c'est pour les recycler, gagner de l'argent, justement, pour le deuil périnatal. On en parlera avec lui tout à l'heure. Voici Black Box. Vous êtes peut-être à la bourre, direction le boulot ce matin. Le meilleur des souvenirs, 1989, ça va pas nous rajeunir ça. Hein. Black Box, One One Time, l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Ouais, ouais, et non, pas demain. On démarre avec les béliers ce matin. Il serait temps d'opérer quelques changements, que ce soit dans votre vie personnel ou une remise en question profonde de vous-même. Vous êtes dans un tournant de votre vie. Rassurez-vous, vous aurez le soutien des astres. Bon bah ça va, c'est les astres, ça va aller mieux. Les taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple, osez parler d'amour. Les astres vous soutiennent et vous serez entendus. Les gémeaux, quelle que soit votre situation actuelle, l'heure des révélations a enfin sonné. En couple, vous oserez prendre les devants aujourd'hui. Alors foncez. Les cancers, si vous cherchez à tester l'amour de l'autre en le rendant jaloux ou jalouse, ou en bousculant ou en boudant, il ne va certainement pas apprécier. Les lions, faites un effort pour écouter ce que vos proches ont à dire et vous adapter. Eh ouais, il faut s'adapter dans la vie. Les vierges, vous vivrez de bons moments à deux. Vous aspirez la tranquillité dans votre vie conjugale et le bien-être sera au rendez-vous. Les balances, vos sentiments changent et vous êtes en pleine mutation amoureuse. vous n'en avez pas encore pris réellement conscience. Les scorpions, vous aurez besoin de vous éloigner un peu du cercle familial. Les célibataires, vous rêvez de trouver l'âme sœur aujourd'hui. L'horoscope pour les sagittaires, prenez un peu de recul. Ben oui, si vous prenez du recul, comment voulez-vous que vous fassiez face à une situation familiale complexe? Ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Si vous avez un choix à faire, eh oui, les capricornes, vous devez vous battre pour défendre votre place auprès de l'être aimé. Eh oui, faites-lui de la place aussi, ça lui fera du bien. Les Verseaux, quelques problèmes vous attendent dans votre vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et tout dépendra de votre attitude. Soyez plus conciliant et détendu, les Verseaux. Et enfin, les Poissons, vous estimerez que la fidélité est le ciment du couple et vous serez sage comme une image aujourd'hui malgré les tensions. De quoi satisfaire votre partenaire. Heureux d'être avec vous, 7h43 sur la radio Couleur. C'est Francky dans la radio. Si vous voulez laisser un message, n'hésitez pas. 02 38 43 48 00. Le meilleur des souvenirs avec une fille que je n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais bon, allez. La Russo, qui est toujours vivante. Voici Tu m'oublieras sur la radio Couleur. Tu m'oublieras en 80... Non, c'est en 2000 ça, ouais, j'ai oublié la date déjà. Tellement que j'ai oublié la date. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Et puis, ce soir, je vais dîner avec des potes. On va au resto. Il m'a envoyé un texto, il est super rigolo, mon Joël. Il m'a dit, ça tombe bien, on a la dalle. Il croit qu'ils m'ont mangé comme 4. Hein, bah ouais. En tout cas, on va bien se marrer, on va passer une bonne soirée ce soir. Puis vous aussi, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, peut-être, en famille, avec les enfants. Bah ouais, demain, c'est mercredi, pas d'école. Allez, voici Kenji, à la cool, cool, cool. M'amuser un peu pour tuer l'ennui.

Ah, ça fait rêver, ça fait rappeler les vacances à Marrakech. Hein, ouais, 28 degrés à l'ombre, Jean-François Maurice, le remix. Et je me suis gouré. 007, il sera là mercredi, hein, Damien, c'est pas jeudi. À partir de 7h15, il sera là de bonne heure. Je sais pas pourquoi, il doit bosser à mon avis, c'est pour ça. En tout cas, on va parler de James Bond demain. Mercredi à 7h15, 007, numéro 1 en France, Damien dans les studios de la radio française. Ça va me faire plaisir de le retrouver, le petit gars là. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Eh ouais, dès 7h, il faut vous connecter sur le site internet, hein, sur Google, vous tapez radioarc-en-ciel.fr et puis ça vous connecte directement sur le player de la radio. Vous pouvez aussi vous joindre au standard, hein, 02 38 43 48 00. Coucou la ville de Blois qui nous écoute aujourd'hui. On est écouté à Blois, on est écouté au Portugal aussi. Bah oui, un peu normal. Larusso, il m'a dit c'est en 90, pas 2000. Ouais, c'est fin 90, hein, Joël. Ouais. Hein. Bah viens nous voir à la radio, tiens. Il y a de la place pour la Porsche en bas. Et puis du son qui arrive. On aura des bons souvenirs avec le slow de Marc Lavoine, même si. Et puis un collecteur avec Khaled. C'est la vie, c'est sur la rue des couleurs. Belle journée et bon réveil, bon petit déj à tous. Voici Lady dans les années 90-2000. Easy Love. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Stay. There's a love that you're looking for. l'essentiel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Te souviens-tu un soir, un baiser sur la bouche, ta vie dans nos mémoires, qui a changé l'histoire. Oh, on avait peur de tout avant même qu'on se touche, jusqu'à fuir les regards. À défaut de savoir. Oh, te souviens-tu du pire, des larmes sur la joue, sans pouvoir retenir ce qu'on a vu partir. L'injustice, le dégoût, la puissance entre nous, que remplace un sourire quand on s'aime. C'est Love, 30 artistes sur scène, Gims, Divosk, le collectif métissé. Oui, le sida n'est pas mort, hein, faut toujours lutter. Sortez couvert, ça c'est super important. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Et puis notre invité qui arrive dans 20 minutes, Denis Duclos, va parler de deuil périnatal. Ouais, un sujet un peu compliqué, mais il faut en parler parce qu'il va faire des dons justement avec des stylos, des feux qui récoltent. Et tout ça c'est recyclé, l'argent sera reversé justement pour les deuils périnatal. On en parlera avec lui tout à l'heure vers 8h20 en direct à la radio. Ça me fait plaisir d'être avec vous, c'est Francky avec Khaled, c'est la vie, on est là tous les matins, 7h, 9h. Yeah. Randy à la planète, 8h05 en direct avec Khaled et Salavi. Salavi, c'est ce que nous dit Elodie, c'est la vie, tranquille, faut chanter, faut danser, faut se bouger. Je suis sur la tangentielle, ça bouge un peu et j'écoute ta musique qui nous fait plaisir. Bah oui, le son latina dès le matin pour vous réveiller, vous sortez de lit en couleur avec cette belle radio depuis 34 ans. Voici Ben Bailalo. Yo contigo, así que prepara el equipaje. Dale que nos fuimos de viaje. Baila mi morena, ese swing salvaje. Métele coraje y no te me raje. Hasta abajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana. Sadugueando con los tigres y la dominicana. Hace tiempo que tengo ganas de jurarme en Punta Cana. Con mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir. De rumbón por Latinoamérica a repartir. De rolling pin morena hasta el fin. Porque vinimos a París y arrino pa' dormir. Vinimos a París y arrino pa' dormir. Vinimos a París y arrino pa' dormir. Vinimos a París y arrino pa' dormir. Vinimos a París y arrino Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Vamos, dale morena, revolcando en la arena. Hagamos el amor bajo la luna llena. Me tiene muy bien con la loco y sin idea. Hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Vamos, dale morena, revolcando en la arena. Hagamos el amor bajo la luna llena. Me tiene muy bien con la loco y sin idea. Hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Baila, que contigo yo me zumbo. Baila, los dos juntitos sin rumbo. Baila, Ben Bailalo, Latin Connection, c'est la radio couleur, le son avec Diego Colonas, heureux d'être avec vous. Et puis elle, je l'avais invitée il y a 3 ans à la radio, une super fille avec une belle humeur et puis une bonne envie de vivre surtout. Elle s'appelle Lena Cortés, rappelez-vous, c'était Vamos a Bailar, Que Calor. Sur les routes sauvages de Vegas à Rio. Allez, on se lance en direct avec Lena Cortez. Qui calore? Qui calore? Bah non, la calore, elle est pas là aujourd'hui. Il va pleuvoir. La météo. La météo sur l'arc-en-ciel, le ciel est nuageux ce matin, de la pluie malheureusement au lever du jour, ouais, ça va pas tarder à tomber. Pas mal de vent aussi, les températures 7-8 degrés au lever du jour jusqu'à 18. La bonne nouvelle c'est que vendredi et samedi il va faire super beau normalement, jeudi aussi et normalement demain aussi. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour vous réchauffer le cœur. Pas de pluie pour cette semaine au programme, à part aujourd'hui quelques gouttes et puis les rayons de le sol qui arrive avec un film que vous avez certainement adoré, c'est Los Lobos et La Bamba. Votre réveil matin, c'est Francky. Fading in, fading out, all the age of paradise. tout de suite, ça vous fait penser à un film, ça. Hein? Mais lequel? Lesquels plutôt? Il y en a plusieurs. Love Me Like You Do. Et le disque à ma chérie, ça. Ouais. Ellie Goulding, la version Kizomba. On adore la radio couleur. Notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes. Et puis du son aussi pour bien vous réveiller. Hein? Vous qui êtes en voiture direction le boulot. Eh bien, on vous souhaite une très bonne journée sous la pluie, sous les nuages, malheureusement. Mais le rayon de soleil est là avec Bruno Mars qui arrive et Treasure sous la radio couleur. Bonne journée! Come here, I go. Alors on s'est en direct avec Bruno Mars, Treasure, on est à vous, c'est Francky dans la radio. Notre invité qui vient d'arriver, Danny Duclos, qui est dans les studios de la radio. On va parler justement du deuil périnatal. Qu'est-ce que c'est? Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il collecte des stylos, des feux, des stabilos pour recycler l'argent et justement pour le deuil périnatal. On en parle avec lui dans quelques minutes. Et puis du son qui arrive avec le son latina que vous adorez, Luis Fonsi sur la radio couleur. Merci d'être là, d'être aussi nombreux le matin à nous écouter. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et Chapme la culpa, c'est sur la radio couleur. Bon réveil, bon dia. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. En direct, échappe-moi la culpa. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, c'est maintenant, et je vais le mettre à l'aise parce que bon, c'est la première fois qu'il vient à la radio et bon, non, il faut pas être stressé, Denis. Bonjour, Denis Duclos. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Ça va, ma foi, ça va sous la pluie, malheureusement. Sous la pluie, mais voilà. Tu arrives de. On se tutoie, ça te dérange pas? Il n'y a pas de souci. Tu arrives de Jargeau? Oui, à côté, exactement, ouais. À Darvois. Ouais, ça roule un peu le matin. Hein. Ouais. Ah, ça bouchonne un petit peu, ça mais bouchonne, bon. Et c'est une question d'habitude, faut partir à l'heure. Exactement, et puis malheureusement, la pluie est au rendez-vous aujourd'hui. Toute la journée. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais bon, ouais. ça va pas durer. Je peux vous le rassurer que cette semaine sera plutôt ensoleillée. C'est ce que j'ai vu sur Météo France, hein, normalement, si je me trompe pas, surtout vendredi et samedi. Demain, ça risque d'être nuageux, mais vendredi et samedi, ça va être ensoleillé. Justement, notre invité, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de bonne heure. De bonne heure, pourquoi? Parce que les radios les plus écoutées, c'est entre 7h et 9h. Voilà pourquoi les gens viennent de bonne heure à la radio, parce que les gens vont au travail, sont dans les voitures, dans les bus, ils écoutent la radio. Alors, on va parler du deuil périnatal avant d'expliquer ce que c'est. Vos stylos ne marchent plus, la collecte de stylos au profit du deuil périnatal, excuse-moi. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le deuil périnatal, si tu veux bien, Dali? Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci bien. Hein. Donc, effectivement, le deuil périnatal, en fait, Ce sont les enfants malheureusement qui sont qui décèdent avant donc de naître, hein, ouais. D'accord. Donc c'est dur, ça va être dur pour la famille quand même. Bien sûr, effectivement, ouais. c'est très dur, hein, donc au niveau psychologique, un petit peu le pourquoi de cette démarche, c'est qu'en fait on s'aperçoit que il y a beaucoup de personnes qui effectivement sont touchées par ce deuil, et donc j'ai été sensibilisé à cette cause. Ouais. Et donc c'est... Alors pourquoi sensibiliser, ça t'est arrivé personnellement? Non, je dirais ou dans la famille peut-être, des proches? Non, bon, des amis, oui, des connaissances, mais effectivement on s'aperçoit que en parlant autour de soi, on a des gens, des voisins, ou autres, hein, ou des amis, effectivement, qui sont touchés, voilà. J'ai un pressentiment qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'entends pas trop parler, ni dans les infos, ni. Non, est-ce que c'est un sujet peut-être un peu tabou? Peut-être. Voilà, c'est ça. Qui fait peur aussi, peut-être. Oui. C'est sûr que de passer par ces moments, je pense que c'est... Ça va pas être facile tous les jours. Ouais, effectivement. Donc toi, tu t'es intéressé. Voilà. Hein, donc je suis quelqu'un qui essaye de m'intéresser un petit peu à beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ce concept assez simple. Donc en fait, initialement, un petit peu historiquement, hein, comment ça s'est passé. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup sur Facebook. Hein, ouais, et voilà. Bah alors bienvenue. Donc je vais beaucoup sur Facebook. J'ai rencontré une amie Facebook qui en fait a malheureusement rencontré elle cette cause. Hein, ouais. Elle a perdu un enfant. Donc elle est sur l'est de la France, hein, vers Metz, je pense. Et l'idée lui est venue de justement, c'est elle qui a lancé un peu l'idée de collecter alors les stylos, les feutres. Enfin, je reviendrai un petit peu. On va en parler après. Ouais. Et donc elle a développé ça. Bon, elle a pris des contacts avec une entreprise de recyclage. Et elle a monté un peu le concept sur l'est de la France, et en fait de fil en aiguille c'est venu à se développer un peu sur toute la France. Toi, t'as pris le relais dans le 45. Alors j'ai essayé de prendre le relais, oui, sur le 45, hein, c'est un petit peu les débuts, donc on en parlera aussi un petit peu après, parce que je cible un petit peu différentes catégories, de que ce soit les particuliers, que ce soit des entreprises, enfin bon, les écoles où il y a beaucoup, de stylos, les feutres, tout ça, donc voilà. Ouais, est-ce qu'il les renouvelle dans les écoles, hein, quand ça marche, les gamins, il les maltraite un peu, les feutres. Voilà, et puis on a tendance à les laisser ouverts, tout ça. Et ça sèche, et c'est fini. Voilà, tout à fait. Donc est-ce que c'est facile de trouver une société qui recycle aujourd'hui tous ces stylos, ces effaceurs, ces blancos? Oui, il y a différentes sociétés qui le font. Après, bon, il y a un contrat à passer avec cette société. Et puis, effectivement, après, parce qu'il y a des entreprises, enfin des sociétés, effectivement, recycle donc le plastique, hein, mais qui ne verse pas forcément pour une cause. Ils le gardent pour eux. Voilà. C'est ça. Mais par contre, ou alors ils vont le verser pour d'autres causes. Par contre, voilà, il y a une société donc qui a été trouvée par l'intermédiaire de la personne qui est dans l'Est. Et ça, ils le font gracieusement, c'est-à-dire ils recyclent et ils vous donnent après. C'est bien de leur part quand même. Tout à fait. Ouais. Alors aujourd'hui dans le Loiret, ça se passe comment? Dans le Loiret, voyant qu'il n'y avait pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice, parce qu'en général c'est plus effectivement des femmes qui s'occupent de ce genre de collecte. Donc je me suis dit pourquoi pas, hein, c'est pas compliqué, comme je disais, à mettre en place. Donc on va super faire super simple. Voilà, il suffit déjà de communiquer, hein, qu'est-ce qu'il faut recycler? On va parler un petit peu de donner tous les stylos, peut-être tous les marqueurs, si. Alors si, oui, tout ce qui est plastique, voilà. Donc les feutres, hein, où il y a une grosse consommation dans les écoles. Et puis tout ça, c'est tout simple. En fait, il suffit d'avoir une boîte. On est dans une boîte. voilà, une boîte. Donc après, ben moi, je suis assez disponible, hein, et du coup, après, je les récupère. Donc, ah ouais, toi, t'es retraité, c'est ça, tu me disais. Il y a pas longtemps, voilà, tout à fait. Donc du coup, bah, tu prends ta petite voiture et tu fais de porte en porte récupérer le. Tout à fait. Et après, direction l'usine. Il faut l'envoyer, voilà. Et puis après, c'est un coup quand même tout ça. C'est pris en charge. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que les colis, c'est pas facile, hein. C'est au point, en plus, c'est cher la poste. Hein. Ouais. Non, mais c'est pris en charge par une entreprise, donc qui le transporte gracieusement. Ah, bah, y'en a que des belles personnes ce matin, alors. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et tout ça, donc l'argent est reversé pour le deuil périnatal. Périnatal. Je vais pas y arriver ce matin. Ouais, mais c'est pas grave. Ça fait trois fois que je le lis, c'est pas grave. On dit jamais 203. Voilà. Donc, bien, on a vu un petit peu effectivement les différentes, les choses à recycler. Hein, mmh. Donc, je suppose que les feutres, ils sont démontés. À mon avis, on les mourrait pas comme ça. Il y a le plastique. Ah oui, mais bon, après ça, c'est l'entreprise qui gère. Hein, bien donc, sûr. Il y a effectivement, comme on disait, hein, donc il y a tout ce qui est feutre, tout ce qui est stylo, stabilo, les marqueurs. Voilà, pour les tableaux, tout ça. Donc, tout ça, c'est à récupérer. Ouais. Et puis en plus, il y a beaucoup de sociétés qui nous écoutent. Si ça se trouve, ils se disent, attends, j'en ai plein le bureau, moi, je vais. Voilà, tout à fait. Un bon geste, hein. Alors, comme je disais, il y a différentes cibles, hein. Donc, il y a, alors, les particuliers, hein. Les particuliers, par contre, alors, moi, ce que je leur passe comme message, c'est d'en garder au fur et à mesure. Et par contre, quand ils en ont une certaine quantité. Parce que, deux par deux, pour 3 ou 4 stylos, ils se déplacent pas, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, où il y a vraiment un gros potentiel, c'est plus, comme on disait, au niveau des écoles. Hein. Ouais. Donc les écoles, là, j'ai eu déjà plusieurs fois des cartons complets de. Ah oui, carrément, ouais. Voilà, c'est souvent, quand on regarde bien, c'est beaucoup de feutres, hein, voilà. Et puis après, il y a également des entreprises, hein, des grosses entreprises. Alors j'ai commencé à travailler avec des grosses entreprises, et bon, il y a des pistes qui avancent. Donc c'est un petit peu au fur et à mesure. C'est un peu au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Donc c'est mieux de se déplacer pour des grosses quantités, quoi. Ah bah, il est préférable. Hein, c'est sûr que je veux pas aller faut regrouper un petit peu, mais sur un même secteur. Alors justement, j'en parlerai un petit peu après, mais mon souhait serait d'essayer de développer un petit peu un groupe. Ouais. Ce groupe, en fait, qui est sur le Loiret, une personne qui collecte un peu sur, l'ouest du département, hein, sur plus le nord, le sud. Et puis je dirais l'est, et quelqu'un sur Orléans, quoi. Surtout que l'avantage, c'est que c'est pas périssable. C'est pas comme par exemple des vêtements qui peuvent au bout d'un moment s'abîmer, hein, donc c'est sûr que, ou de la nourriture, là c'est vraiment on peut les garder. Voilà, tout à fait. Et puis ça prend pas non plus énormément de place. Dans le garage, ça tient. Voilà, tout à fait. Avec tout le bordel qu'il y en a qui ont chez eux, ils peuvent squatter un peu dans le garage. Hein. Moi le premier. Hein. Donc voilà, c'est cette petite cette opération. Après, alors dans mes souhaits, donc c'est de créer cette après c'est sûr, il faut avoir des gens qui sont partants, hein, ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est prendre un peu de l'idéal entre guillemets, c'est d'être retraité. Oui. De pas avoir de travail, de chercher du travail, d'être bénévole, peut-être ça peut aider aussi. Mais bon, c'est, ou alors passer par des associations aussi. Ouais, les assos, ouais, il y en a plein, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des associations qui vont récupérer toi comme moi, on a des lunettes, hein, qui récupèrent des lunettes, il y a d'autres associations, pourquoi pas, et effectivement, et dans ce cadre-là, à vrai dire, moi j'en parlerai après, je fais partie d'un Lions Club. On va en parler en deuxième partie. Voilà, c'est ça, et donc justement, je souhaitais m'appuyer un peu sur ce Lions pour essayer justement d'avoir des portes qui sont. Voilà, tout à fait, des portes qui s'ouvrent, et puis voilà, d'être un peu moins seul pour le faire, quoi. Donc l'argent est pour ce deuil périnatal. Oui. Voilà, je me trompe pas, tu vois. C'est bien ça. Alors on fait quoi avec cet argent après, c'est quoi, on en fait quoi de l'argent? Alors, ben, l'argent, en fait... Aider les familles, moralement... Voilà, c'est ça. Il y a une aide psychologique, hein, surtout, ouais, qui est faite, parce que, bon, ben, c'est vrai que ce sont, comme on disait tout à l'heure, hein, des moments qui sont hyper compliqués à passer. Mm. Et, ben, il y a des gens qui sont un peu... qui sont même beaucoup à la dérive, hein. Donc, du coup, c'est vrai que... Donc, il y a des gens ben, dans les hôpitaux ou tout ça qui sont formés, justement, pour ça. Mm, hein. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est quand même... plus. Et bien, comme on me disait un peu, le problème aussi, et justement, c'est aussi un peu le souhait que j'ai, c'est... alors après, je sais pas si j'y arriverai, mais déjà, d'en parler à la radio, c'est important. Ouais. C'est de... Ben, de faire savoir aux personnes qui rencontrent ces difficultés qui peuvent être aidées. Alors il y a des associations qui existent et justement il faut que ces personnes aillent vers ces associations. Ouais, parce que les personnes se sentent peut-être seules. Ouais, à ces moments-là, hein, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Alors c'est pas monnaie courante entre guillemets. Ben, non, ouais, donc, alors même si effectivement, comme je disais, il y a des gens qui le quand même pas mal de gens qui le rencontrent, mais effectivement il y a peut-être pas assez d'explications. Alors je pense que de plus en plus quand même dans les hôpitaux tout ça, donc les gens sont accompagnés, mais je pense que du plus ne serait que mieux. C'est vrai, en tout cas l'argent est utilisé à bon escient, hein. Voilà, tout à fait. Voilà, en tout cas une belle aventure pour toi. Où est-ce qu'on peut te contacter, Denis? Parce que si jamais les auditeurs nous écoutent ou des sociétés là qui disent bah moi j'en ai plein des stylos chez moi, j'en ai 200, 300, ouais, j'en ai des cartons, ouais, je sais pas quoi en faire. Oui, parce qu'en fait comment alors aujourd'hui? Oui, alors bien donc moi je comme je disais. Ah non, on pourrait être dépositaire à la radio, faudrait que je demande à la directrice de la radio, hein, parce que nous on a une radio, ça coûte rien de venir ici, de déposer un carton, en plus on a de la place, t'as vu la taille de la radio, elle est immense, hein. On a plein de locaux disponibles. Ça serait sympa, tiens, les gens poser un carton de stylo, on le laisse en bas, puis un jour tu passes, tu récupères. Voilà, tout à fait. Bah, moi je le fais, je prends l'initiative de le faire, alors. Ah ouais, tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, moi, ce que je demande un petit peu aux personnes, hein, donc des cartons, moi je peux leur envoyer, j'ai des affiches, donc je peux leur envoyer. Bon, il suffit qu'ils me contactent. Mmh. Alors, moi je fonctionne beaucoup par Facebook. Ouais. Donc... Ah, t'as un dieu de Facebook, toi, hein. Oui, ben écoute, comme moi. Ouais, j'ai découvert et c'est vrai que bon, c'est comme la, peut-être ça, c'est un peu comme trop, la, c'est un comme peu la trop, cigarette, peut-être. Ça va pas plus s'arrêter après. Hein. un peu trop peut-être, mais voilà. Non, mais c'est bien, moi j'arrête pas aussi. Genre. Alors donc bien oui, donc tu as donné mon nom, donc c'est tout simplement Denis Duclou. Hein, Denis Duclou, voilà. Ducloux. Mmh. Et donc ben les gens qui veulent me contacter me demandent un ami et puis après en message privé à ce moment-là, voilà. Expliquer, voir comment on peut s'organiser. Voilà, une belle aventure en tous les cas. Voilà. Pour ces dons de stylo, c'est pas grand chose en plus. Non, voilà, c'est ça, parce que bon, ça existe déjà, beaucoup de gens connaissent pour les bouchons de bouteille. Ouais, on connaît, voilà. On l'a déjà eu à la radio, ils sont venus le voir. Voilà, tout à fait. Et donc, au lieu de jeter les stylos, ben voilà, faire le même concept. Et, bon, c'est pour une autre cause, mais bon, c'est une belle cause. Toutes les causes sont nobles. C'est vrai, toutes les causes sont nobles. Et c'est vrai que quand l'enfant il grandit avec le temps, bah on fait un peu le tri dans les jouets, puis on trouve plein de stylos, on dit bon, ça il n'y en a plus besoin, allez hop, c'est bon, ouais, les coloriages c'est fini, on va les donner ou les jeter des fois malheureusement, hein, c'est vrai que souvent ça part à la poubelle, donc le plan B il est là avec toi, Denis Duclou, aujourd'hui. Voilà, mais écoute, voilà c'était le message qu'on voulait faire passer ce matin avant de parler d'un autre sujet dans quelques minutes si tu veux bien. Un dernier mot peut-être à rajouter sur vos stylos ne marchent plus, cette collecte. Bien, écoutez, alors effectivement, gardez et faites passer le message aussi autour de vous, voilà, hein, parce que tout simplement, bien, c'est ce que je dis, hein, c'est les gouttes qui font les rivières ou les pierres qui font les édifices. Mmh. Donc, c'est en parlant autour de soi que, on arrive à faire avancer les causes. Voilà, si on pouvait s'entraider, et n'hésitez pas à le demander sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Denis Duclou. Faut pas se tromper, il y en a peut-être plusieurs. Vous voyez, oui. De toute façon, tout est bien inscrit sur ton Facebook. Mais je pense que là, dans un peu mes objectifs, hein, c'est donc, de faire une page. C'est de faire une page, tout à fait. Ça serait le mieux, je pense. L'idéal, c'est de faire une page. Tout à fait, spécifique par rapport à ça. Ça serait très bien, Denis. Voilà. On va parler d'un autre sujet dans quelques minutes, si tu veux bien, dans 3 minutes. Oui. Le Lions Club, hein, tout le monde connaît le Lions Club, une belle opération qui arrive bientôt, ça sera quand? Alors le 14 novembre. Ouais. Alors en fait, cette opération que nous envisageons de faire, c'est une compétition de golf et dont tous les bénéfices seront reversés pour une opération qui est un mécénat de chirurgie cardiaque enfants du monde. Ouais. Alors en fait, ce sont des enfants qui viennent du monde entier et qui peuvent être qui sont opérés en France au niveau de grosses pathologies cardiaques. Et donc ils sont accueillis en France, ils sont opérés, donc il y a des familles d'accueil, il y a différentes choses. Et donc il y a besoin de beaucoup de fonds. Donc par cette compétition de golf, on apporte ce que l'on peut apporter. On fait un appel. Le golf, ce sera à Orléans, Marcilly, ou Arlon. C'est à Marcilly, Marcilly en Villette. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre aussi pour aider ces gamins qui sont opérés du cœur. Voilà, tout à fait. Il y en a d'un petit peu de toute nationalité qui viennent, qui sont aidés régulièrement. Donc moi, j'ai découvert un peu par l'intermédiaire d'amis qui sont familles d'accueil. Donc après, c'est-à-dire, ils reçoivent l'enfant et puis il est opéré. Et après, ils le gardent pendant plusieurs semaines chez eux. Pour que tout se passe bien. Voilà, tout à fait. Et ensuite, après, les enfants repartent dans leur pays, ce qui est normal. Heureusement d'ailleurs. Voilà, donc cette opération autour du golf, ça va se passer quand, Dani? Alors donc c'est un dimanche, le 14 novembre. C'est le 14 novembre et je tiens à remercier tous les partenaires qui nous aident. Il y en a un paquet. Voilà, les partenaires, les personnes qui ont donné des lots aussi, qui vont permettre. Alors j'espère que la météo sera sereine. On espère, tout à fait, mais qui vont permettre que cette journée soit la plus belle possible. Et puis que c'est l'appel que je lance un peu, c'est aux golfeurs. Pour qu'ils soient le plus nombreux possible pour participer donc à cette journée du 14 novembre donc à Marseille. Prenez votre journée le 14 novembre si vous jouez au golf. Venez voir ces petits enfants, leur filer un coup de main. Tout à fait. Alors il y aura des gens de l'association qui seront présents sur place. Si vous souhaitez participer financièrement un petit peu, il y aura une urne qui sera pour cette cause, pour mécénat de chirurgie cardiaque. Voilà, en tout cas de belles choses ce matin qu'on apprend avec toi, côté feutre, côté stylo, avec cette aide pour le deuil périnatal, et puis cette opération le 14 novembre, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Dani, autour du golf à Marseille, pour aider ces enfants qui se font opérer du cœur, qui arrivent de l'étranger, qui arrivent de tous les pays du monde, et pour leur filer un coup de main, parce que des fois dans ces pays-là, il n'y a pas forcément les bons soins au niveau du cœur, les bons médecins, malheureusement. Donc on vient chez nous en France trouver des très bons médecins, parce qu'on a de très bons médecins, et si ça peut les aider, bien tant mieux, si on peut sauver des petits. On a une personne qui s'appelle le docteur Leca le docteur Lecoeur. Sur Paris et qui est vraiment une très bonne On le salue, docteur Leca. C'est une femme. Eh ben on la salue. Alors excuse-moi, Docteur Leca, on la salue. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, Denis, si tu veux bien. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci à la radio également de m'avoir permis un temps d'antenne. Nous, on est là pour ça. Voilà. On est payé pour ça. Voilà. Pour faire parler des gens qui font des belles choses. Je sais que autour de moi, il y en a beaucoup qui font des belles choses. Moi, je suis assez sensible à essayer d'aider. Des fois, on a envie de tout faire. C'est vrai, on a envie d'aider tout le monde, mais on peut pas, malheureusement. Non, malheureusement, effectivement. On aimerait avoir 40 000 bras, et être un peu le Coluche des années 2020. Coluche qui avait beaucoup aidé pour les Restos du Cœur. Tout à fait, mais malheureusement, si vous voyez que il y a toujours autant de gens qui mangent pas. Ouais. je dirais d'avoir créé ce business entre guillemets. Ouais, mais bon après c'est vrai que bon c'était une super opération, mais ouais. c'est vrai que bah là en plus avec la crise tout ça. C'était compliqué. C'est compliqué et de plus en plus je dirais il y a des gens qui sont malheureusement en galère. Quoi. Beaucoup. Mais bon, beaucoup. On va pas refaire le monde en deux heures d'émission. Malheureusement, j'aurais pas assez d'heures. Il faudrait une nuit entière et encore une semaine entière d'émission alors. Ah oui, tout à fait. En tout cas, je t'ai laissé le dernier mot de la fin. On vous rappelle cette opération. Si vous avez des stylos, des effaceurs, des blancos, des surligneurs, des porte-mines, vous êtes des sociétés, vous êtes des écoles, eh bien n'hésitez pas. Des particuliers, des cartons, n'hésitez pas à contacter Denis Duclou. Il s'agira de la collecte. Hein, donc mettez ça dans des cartons et puis si ça peut aider des familles qui ont connu malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, le deuil périnatal, eh bien ça pourra peut-être les soutenir moralement. Hein, c'est surtout ça qui est important. Ouais, tout à fait. C'est le moral. Voilà. Denis, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur la radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Merci à vous. En direct d'Orléans. T'as fait un peu de route et c'est vrai que le matin, c'est pas facile. Surtout sous la pluie, oui, mais bon, après, voilà. Il suffit de s'y prendre à l'avance. C'est ça. Surtout qu'Orléans, c'est un peu galère le matin. Il faut être honnête. Ouais. Je suis honnête, c'est vraiment galère, la tangentielle. Ouais. Merci Denis Duclou, notre invité ce matin. Et on vous rappelle aussi cette opération le 14 décembre, hein, pour finir. Novembre, excuse-moi Denis. 14 novembre, au golfe de Marseille, pour aider les enfants, justement, qui subissent des opérations du cœur, qui arrivent de tous les pays, leur donner un coup de main. Venez jouer au golf si vous êtes des golfeurs et les soutenir financièrement. Après, on n'a pas besoin de beaucoup non plus. Tout le monde peut donner un petit peu. Comme tu dis, c'est dans les petites gouttes d'eau qu'on fait des océans, des petites rivières, et après on forme des gros océans. Voilà. Si ça peut les aider, ces gamins, et ben voilà, vous allez donner de la joie de vivre à leurs parents, ça c'est sûr. Merci Denis. Merci à vous. Bonne journée en direct à la radio. Denis Duclou qui était notre invité sur la radio Couleur en direct. Voici les Magic System. Não ouço o programa em Oliva Gaia, muito no voar. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00.

bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. DPI Sécurité, établissement Patrick Demiseau, 25 rue des Cornillettes, 41 000 Blois, 06 18 82 19 88. Mail dpi.sécurité@yahoo.fr. Matériel incendie, alarme, incendie, alarme intrusion, vidéosurveillance. Formation EPI, équipier de première intervention. Extincteur, tout pour votre sécurité.